Ouais. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne. Il donnera rien à ceux qui dorment. Ouais. Wali Obesaya, Wali Obesaya. Bah, hey, mon vieux, maintenant tu nous donnes la force. On n'a pas fait grand chose, mais maintenant rien que tu suces. J'suis pas chez le paquet, j'prends deux plages à l'épice. Et là, j'suis fait mon pote, la tête entre deux cuisses. J'suis dans le Peugeot, je récupère ma cagnotte. Les petits vitraves à la sauvette, y'a pas de louvée, donc je vais pas rester assis. Comme tous ces Renault à Vachy, putain de merde. J'encaisse à masse et je coffre, j'encaisse à masse et je coffre. J'encaisse à masse et je coffre, j'encaisse à masse et je coffre. Une vie de lutte, une vie charbon, on l'a pas choisi, c'est comme ça. Les clients consomment le pilon et j'fais ça pour les mapper. Ça confond pas le goût et l'odeur qui t'a caché dans la Montclair. J'suis relayeur, donc j'récupère, j'ai plus de coco, j'viens un Uber. Wesh mon gars, y'a quoi? Les bossers fait pas trop. J'abonne même quand il fait froid. C'est de la peur donc mais pas tout. On coupe des tailles, on vend, on coupe des tailles, on vend. Et on revend la mort et puis on investit. On coupe des tailles, on vend, on coupe des tailles, on vend. On cache nos sentiments, pas jolis, sans nos livres. On coupe des tailles, on vend, on coupe des tailles, on vend. Et on revend la mort et puis on investit. On coupe des tailles, on vend, on coupe des tailles, on vend. On cache nos sentiments, pas jolis, sans nos livres. J'suis au charbon bébé, désolé j'peux pas te voir. Pour un plafond bibi, les bleus ils peuvent t'avoir. Et si tu tires sur moi, t'inquiète j'ai mon cachemire. Et on fait pendant que tes pédales font du blaire. J'pars haut dans la vie, j'pars haut dans la ville. J'suis avec les frères Scott, armés comme au Brésil. Pour une ou deux qui j't'as, les petites font du sale. Pour la pointe, t'inquiète pas bébé, j'ai des balles. Wesh mon gars, y'a quoi? Wesh y'a quoi? Si t'es beau, ça fait pas trop. Ça fait pas trop. J'abonne même quand il fait froid. C'est de la peur donc mais pas tout. On coupe des tailles, on vend, on coupe des tailles, on vend. Nous on revend la mort et puis on investit. On coupe des tailles, on vend, on coupe des tailles, on vend. On cache nos sentiments, pas jolis, sans nos livres. On coupe des tailles, on vend, on coupe des tailles, on vend. Nous on revend la mort et puis on investit. On coupe des tailles, on vend, on coupe des tailles, on vend. On cache nos sentiments, pas jolis, sans nos livres.